Yeah. Mezikiye. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Azikiye. Azikiye. Mami Azikiye. À moi, oh yeah. Dis-moi de c'est merveilleux avec toi. Dis-moi de c'est merveilleux le bonheur. Dis-moi de oui, mais sans toi le bonheur.